Concernant la parole de celui qui dit « Le tekfir, l'excommunion, est réservé aux grands savants. » Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit « Et quelle belle parole que celle de ce bédouin, qui un jour arriva jusqu'à nous et entendit quelques paroles sur l'islam. Et il a alors dit « Je témoigne que nous sommes des mécréants et je témoigne que le religieux qui nous dit qu'on est des musulmans est un mécréant. » Source Ad-Dur al-Saniya, tome 8, page 119. Ce bédouin, qui venait à peine d'apprendre quelques paroles au sujet de l'islam, jugea mécréant quiconque dirait que les bédouins sont musulmans. Quelle fut la réaction de Mohammed ibn Abdel Wahhab? L'accusa-t-il de se mêler de ce qui ne concerne que les grands savants? Ou bien dit-il au contraire, quelle belle parole dit ce bédouin? Concernant ces diables savants du Tarout, orgueilleux, d'apparence humaine, qui propagent des ambiguïtés sur le tekfir, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit dans une de ses lettres « Lorsque ces diables orgueilleux, d'apparence humaine, voient quelqu'un enseigner aux gens ce que leur a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la shahada, ils commencent à se plaindre, à mettre des ambiguïtés aux gens et disent « Comment pouvez-vous rendre mécréants les musulmans? Comment pouvez-vous parler ainsi sur les morts ?» Ceci avec le but que la signification de « La ilaha illallah » ne soit pas expliquée aux gens. En ce qui me concerne, par Allah, à côté duquel il n'existe personne ni rien qui mérite d'être adoré, je cherchais la science, et ceux qui me connaissaient croyaient que j'en avais. Mais à cette époque, je ne connaissais pas la signification de « La ilaha illallah », je ne connaissais pas la religion d'islam. Avant ce bien qu'Allah nous a donné. De même, parmi mes savants, il n'y en avait aucun qui connaissait cela. Celui qui, parmi les savants, affirme malgré tout qu'il le savait, qu'il savait la signification de l'islam, ou affirme qu'un de ses savants à lui le savait, alors il ment et met des ambiguïtés aux gens. De ce fait, craignez Allah. Ô les serviteurs d'Allah, ne soyez pas orgueilleux envers votre Seigneur et envers votre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Faites des louanges à Allah, le Très-Haut, celui qui vous a guidé vers le bien. Source Ad-Dur al-Saniya, tome 10, numéro 50-52. Hamad ibn Atiq, rahmahullah, a dit « Réfléchissez, qu'Allah te guide, à propos des paroles du Très-Haut dans les sourates révélées à la Mecque, telles que « Dit, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez » jusqu'à la fin de la sourate. Est-ce qu'il est parvenu jusqu'à ton cœur qu'Allah, lui, le prophète, a ordonné de leur dire que ce sont des mécréants et de les informer qu'ils, sallallahu alayhi wa sallam, n'adorent pas ce qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils, sallallahu alayhi wa sallam, se désavouent de leur religion et de les informer qu'ils n'adorent pas celui qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, adore. C'est-à-dire, ils n'ont rien à voir avec le tawhid. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Ceci comprend son désaveu de leur religion et leur désaveu de sa religion. Source, Ad-Dur al-Saniya, tome 9, numéro 256-259. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmahullah, a dit, si un hypocrite essaye d'argumenter en disant que le verset ne concerne que les mécréants, répondez-lui. Est-ce qu'il existe un seul savant musulman qui a dit que ces versets ne concernent pas ceux parmi les musulmans qui commettent les mêmes actes? Qui a dit ça avant toi? Dites-lui aussi, ceci est le rejet du consensus de la Oumma, car le consensus dit que ces versets concernent aussi bien les mécréants que ceux qui se disent musulmans. Source Ad-Dur al-Saniya, tome 10, numéro 58-59. Et si quelqu'un dit, ils font du tekfir généralisé? Nous répondons, gloire à toi. Allah, c'est une immense calomnie. Celui que nous jugeons mécréant, c'est celui qui atteste que le tawhid est la religion d'Allah et de son messager, et que l'invocation d'un autre qu'Allah est fausse. Puis après, il traite de mécréants les monothéistes, les appelant khawarij, et se met dans le camp des adorateurs de mausolées contre les monothéistes. Mais nous demandons à Allah, le noble Seigneur de l'immense trône, de nous faire voir la vérité sous son véritable aspect, et de la suivre, et de nous faire voir le mensonge sous sa vraie forme, et de nous permettre de nous en écarter. Ad-Dur al-Saniya, tome 1, page 63. Certains de ces polythéistes se mettront à excommunier les monothéistes. Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, a dit « Et parmi ces polythéistes, certains se sont mis à excommunier les monothéistes pour rien d'autre si ce n'est leur culte exclusif, leur désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et leur critique des polythéistes, ceux qui ont donné un associé à Allah. Et c'est pourquoi ils ont dit,